Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 12 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Voilà, 16h, c'est en partie pour une nouvelle édition de Flycase. Comme tous les samedis entre 16h et 18h, les 20 titres incontournables, c'est ce que l'on propose avec cette semaine. Une fois de plus, c'est bien pas mal de changements, pas mal de petites nouveautés également vous proposer. Des petites nouveautés que vous nous avez faites sur Facebook Flycase. Il y a un total de 2 entrées et 2 sorties. Je vous rappelle également que la semaine dernière, le trio, le numéro 1 surtout, c'était Notos, Unotos. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. On vous en parlait, 2 entrées et 2 sorties. Flycase. La sortie de Alexis Raphaël avec Elder Skelter. Et la sortie également de Philippe Georges et Anton Powers avec Alone No More. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite d'attaque dans ce classement avec la 20e position. C'est la lanterne rouge cette semaine. Ça perd une petite place. Voici Jen Shra avec Curry On, le remix de Chopstick et John. Bon après-midi. Profitez bien du soleil. Hein. Les dernières emplettes également pour les fêtes de Noël. C'est ce qu'on voulait vous dire, surtout. Curtis sur Galaxy. Numéro 19. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 19 à l'instant, c'était Crader. Petit souvenir de l'été également avec Tom Snar, ça s'appelle Diputa Madre, et pointé numéro 20, ça perd une petite place pour Jenshra avec Carry On. Restez avec nous, très bel après-midi, c'est le Flycase. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase numéro 18. One thing that Oh. Listen to my titre que vous ne rendez que sur Galaxy. C'est pointé numéro 16 cette semaine dans le classement de Flakez. C'était d'entrée la semaine dernière. Cutsnake s'est gagné deux places avec Echo. C'est le remix de Snowmass. Pointé numéro 17, la première entrée. On a deux hôtels cette semaine. Atlas Genius, on adore également ce titre avec Molecule. C'est le remix de Penguin Prison. Et pointé numéro 18, ça perd quatre places. Timothy Milton et Tania Michel avec The Music and Me. Tiens, on va vous parler des soirées sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et on est samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez trouver. 21h Franck Lido, 22h DJ Tom avec Sismix, 23h Marty, minuit Storm, 1h du mat DJ Gus, à partir de 2h Mark Lower, 3h Seth Santos et 4h Pierre Thierry pour clôturer cette soirée mix sur Galaxy. Bien évidemment, tout de suite, voici une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Elle s'appelle Roisy Murphy. On adore tous ces titres. Ça fait déjà quelques semaines qu'on essaie de vous le proposer. C'est à vous de voter. Facebook Flakez, Roisy Murphy, c'est le nouveau, ça s'appelle Evil Eyes. Et c'est un remix de Clapton. Un bon après-midi, restez avec nous.

dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing. Let's go dancing. Dans ce classement du Flakez à l'instant avec Dancing Again, c'est pointé numéro 14, c'est gagné 3 places, et 3 places au moins par contre pour la position numéro 15, c'était Punch avec Praise the Lord. Tiens, si vous ne savez que faire ce week-end, eh bien, on va vous parler de la foire au disque qui se déroule à Moucron, la 20e foire au disque CD et DVD. Si vous cherchez des petites perles, eh bien certainement que vous les trouverez là-bas, pas mal d'exposants. C'est au Centre Expo, la salle jaune rue de Menin à Moucron, ça se déroule demain de 10h à 18h, et puis vous pourrez acheter, vendre ou échanger des CD, des DVD. Donc en tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. L'entrée est fixée à 2€ au profit de Vinyl Story, la SBL. Sachez également que vous pouvez avoir toutes les infos sur le site internet foiremoucron.voila.net. Voilà, donc c'est rendez-vous demain à partir de 10h. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase, numéro 13. What the fuck? I get what I get deeper.

16 et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec une reprise, un vieux tube de l'été il y a quelques années de cela. Oh, je suis certain que vous avez bougé de popotin là-dessus. Alors ma Papi Chulo, c'était il y a quelques années, c'était la position numéro 11, c'était PD et Sean ici. C'est bien d'être remixé avec Better for Brains, ça perd deux places. Numéro 20. Allez, on y va, 17h, voici le récapitulatif de cette première heure. Numéro 20, c'est la lanterne rouge cette semaine, une place de moins pour Jen Shira avec Carry On, le remix de Chopstick et John John. Numéro 19, le son du soleil, c'est bientôt fini. Hein. Crader avec Diputa Madre, c'est sans le sapin d'ailleurs, c'était vous de voter Facebook Flycase pour le faire remonter une place de mieux. Numéro 19. Hein. Numéro 18. 4 places au moins cette semaine, c'est la position numéro 18, Timothy Milton et Tania Michel avec The Music and Me. Numéro 17, c'est la première entrée cette semaine. Et puis on adore ce titre également, petite découverte Galaxy, Atlas Genius avec Molécule. Numéro 16, on adore également ce titre, on aimerait bien le voir numéro 1. Tiens, par exemple, Cut Snake avec Echo, c'est le remix Snow Mass, numéro 16. Numéro 15. 3 places au moins cette semaine, c'est la position numéro 15, Butch, Praise the Lord. Positionné numéro 14 cette semaine, le titre de Tiga avec Ron Costa, ça s'appelle Dancing Again. Numéro 13. C'est la meilleure entrée pour cette semaine, le retour des Fatboy Slim dans ce classement du Flycase avec Song for Shelter, le August 5 Remix. Numéro 12. Paul Kalkbrenner, deuxième titre extrait de son album, classé dans le Flycase, Figurehead, numéro 10, moins 4. Numéro 11. Et enfin, deux places au moins, ça quitte les 10 premiers. Pelé et Shawn Lacey, ex numéro 1 de ce classement, hein, Better for My Brain. Flycase numéro 10. Allez, on est parti d'attaque tout de suite dans ce classement du Flycase avec les 10 premiers, les 10 meilleurs. Je vous rappelle que la semaine dernière c'était Unitus en numéro 1 avec Hush, l'excellent titre. En sera-t-il encore question? Réponse tout à l'heure, on est dans les 18h. Numéro 10 tout de suite, 5 places au moins pour Masséoplex, le nouveau. route jusqu'à la dernière miette, même on pourrait dire Make a Cake. On va appeler Barcotte. Le titre positionné numéro 9, Claude Van Struck avec Make a Cake, ça perd 3 places. Et numéro 10, 5 places de moins pour Mesoplex avec Wash Away My Tears. Très très bon après-midi. Profitez bien pour faire les dernières emplettes, peut-être pour les fêtes de Noël, pour le sapin de Noël. Et notamment la compile Galaxy, tiens, vous pourrez retrouver chez Qubit, notamment à Neschin et à Ertin. C'est à posséder absolument chez vous, à posséder absolument sous le sapin et à écouter sans modération, bien évidemment, cette triple compile avec un CD mixé et deux CD avec les versions originales maxi. C'est un petit chef-d'œuvre, c'est une petite perle à posséder absolument, bien évidemment. Restez avec nous, vous êtes sur Galaxy dans un tout petit instant, les 8 premiers de ce Flycase. Flycase, Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache aime l'herbe. Numéro 8. Starting to get down.

Galaxy dans ce classement du Flakey, c'était entré la semaine dernière, position numéro 6, ça gagne 4 places Broken Fitch avec Tears numéro 7, ex numéro 1 de ce Flakey, également 3 places de moins pour Damien Lazarus avec Vermilion et pointé numéro 8, on adore ce titre, Boris Le Gauche, c'est nouveau, c'est accompagné de Purple Disco Machine et ça s'appelle Love, ça gagne 3 places cette semaine. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy, eh bien vous allez retrouver à partir de 20h Jérôme B, à 21h Franck Ludo, 22h Digitom, 23h Marty, à minuit Storm, à 1h Digigus, à 2h Mark Lower, à 3h Seth Santos et à 4h c'est Pierre Terry pour clôturer cette soirée mix. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Le groupe s'appelle Art of Tones. On l'entend beaucoup sur Galaxy, c'est vrai qu'on adore ça également. On aimerait bien que ça rentre dans nos classements. On attend d'ailleurs tous vos votes Facebook Flakey's. Voici Art of Tones et Laetitia Dana, ça s'appelle Don't Be No More. Excellent après-midi. Dans quelques instants, le numéro 1 de ce classement du Flakey's pour cette semaine. Sweetest vibes, vibes, vibes.

Elle est 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la quatrième position à l'instant. Ça perd deux places. Juice Tube and Burger avec Dizzery et pointé numéro 5. C'est la plus forte progression. Il s'appelle Majo. On adore ce titre, Make a Living. C'est bien parti pour être un nouveau numéro 1 la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est à vous de voter sur Facebook Flykaze. Tiens, et puis si vous ne savez que faire, je vous rappelle demain, en ce dimanche, si vous ne savez que faire à part aller voter, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a une autre méthode de divertissement. C'est la 20e fois au disque, CD et DVD. Ça se déroule demain à Moucron de 10h à 18h au Centre Expo dans la salle jaune. Vous aurez l'occasion d'acheter, de vendre ou d'échanger des CD, des DVD. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site foiremoucron.voila.net. L'entrée est fixée à 2€ et tous les bénéfices iront au profit de l'association Vinyl Story. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, 056 84 18 22 ou alors c'est en Belgique, hein, donc 0032 479 749 247. En tout cas, il y a plein d'expériences. Et c'est une petite sortie originale pour demain. En plus, c'est la 20e édition avec quelques petites surprises. Ça marche d'année en année, ça grossit. Et voilà, c'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer, évidemment. À ne pas manquer également, c'est les trois premiers. Le podium, c'est dans un instant sur Galaxy. Les 20 titres indispensables. Numéro 3.

to do the cat. I like to do the cat dance. I like to do the cat. Flykes et les 21 incontournables positionnés numéro 2 cette semaine. Une place de mieux pour Kouyou et Gary Golden. C'était ce 4. Flykes, égal Flykes numéro 10. Allez, on y va. Voici le récapitulatif des 10 meilleurs pour cette semaine. Positionné numéro 10, Maceoplex avec Wash Away My Tears. Ça perd 5 places. Numéro 9. Numéro 9, 3 places au moins pour Claude Von Strock avec Make a Cake. Numéro 8. Il gagne 3 places cette semaine. Boris Le Gauche, le grand retour dans ce classement du Flykes, accompagné du groupe Purple Disco Machine Love. Numéro 7. Il était numéro 1 il y a 15 jours. Plus rien ne va plus pour Damien Lazarus avec Vermilion. Numéro 7, ça perd 3 places. Numéro 6. Broken Feature, c'est le grand retour également dans ce classement du Flykes avec un nouveau titre, ça s'appelle Tears. Numéro 6, ça gagne 4 places. Numéro 5. Qu'est-ce qu'on adore ce titre, Maggio, Make a Living, numéro 5. Plus forte progression, ça gagne 10 places cette semaine. De plaisir au moins cette semaine, c'est Tuben Burger et Juge avec Dizzery. Numéro 3. Numéro 3, le podium avec un petit nouveau qui rentre dans ce classement. Et puis on adore ce titre. Smile, Alex Goffer et Étienne de Crécy, numéro 3, ça gagne 4 places. Numéro 2. Et enfin, on vient de se l'écouter il y a quelques instants, quelques secondes. Kouyou et Gary Golden avec The Cat, numéro 2, ça perd une place. Ça gagne une place. Galaxy. Flykes. Flykes. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, tout comme la semaine dernière, c'est pas une grande surprise parce qu'on adore ce titre également. Ça s'appelle You Not Us, petite découverte Galaxy, vous êtes les seuls à l'entendre. Elle s'appelle Anna Naklab, la chanteuse Hush, c'est le titre numéro 1. Flaky, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous samedi prochain à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. Dans un tout petit instant, c'est Mettre le Matou que vous allez retrouver avec plein de petites nouveautés. Il arrive, il monte l'escalier. Ah, c'est du direct en plus. Est-ce qu'il est là? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il claque tout. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Non, juste que les gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'un accélérateur, donc ils roulent à 30, ils prennent le temps, quoi. C'est le week-end. Heureusement, les excuses sont faites pour s'en servir, hein, parce que c'est comme ça chaque semaine. Bon, mettre le bateau dans un tout petit instant, et puis tout de suite, la suite de la musique.